Je me suis fait seul donc forcément j'ai pas fait le dessin le plus propre. Mon dossier mort, je suis né dans les mains du médecin le plus proche. Gros et mort, avec des origines notées dans la pierre. J'ai compris tôt qu'il faut des origines pour voler dans la pièce. Ma daronne pleure dans un couloir, n'insiste plus. Ces mômes se verront au parloir au bon vouloir d'un fils de pute. Le chrono tourne, évacuer la soute. Mes potes ils sortent dans des sacs à la coque. Sort à 09, la cuillère à soupe. Carton calme, ce 16 va mordre. Si j'ai pas perdu mes couilles face à ton arme, sale enculé, c'est bien que je pèse la mort. Si tu veux gloire, on m'a dit, mec, à trempé dans l'eau. À l'époque, je suis maigre, du pain sec à tremper dans l'eau. Dans la peau du diable, je préfère 100 fois mes habits. Pourtant, je m'approcherai d'elle et vous verrez s'enflammer la Bible. Le mal pèse plus de 72 kilos, je suis fou, frère. Mais tranquille, il m'a déjà fait tout ce qu'il voulait vous faire. Cette pige à peine, j'en ai broyé de la crasse. Trop éloigné de ma passe, frère. L'amour est mort dans les foyers de la DAS. Ma plume n'aura plus qu'à s'abreuver de colère. J'ai rêvé de thunes, mais j'ai même pas le brevet des collèges. Ici tous, money. J'ai vu crever des collègues parce que la rue le tolère. Encore en vie, mais j'entends plus le tonnerre. L'éducatrice a le gabarit d'une camionneuse. Avec une teutard, tu t'envoles jusqu'à Paris. Mais je m'insulte, c'est mort. Ça fait marrer les autres. Les grands me recrutent et j'apprends vite à démarrer les gaufres. Parti de rien, je suis né pauvre, né dans la merde. Si les gifles étaient du shit, mon vieux me balançait des lamelles. Gosse de la zup avec la quête plate dans la veste. Pas de grand frère, je me suis fait seul, sauf qu'on est quatre dans ma tête. Puis j'ai pris le microphone, je voulais leur faire pire qu'un film non pas. Pour ça que souvent je leur ai mis trop fort. Allez, chance. Sans aide, sans manuel. Depuis le début, la chance d'entrer sans aide dans ma ruelle. Et par méchant, mais ne me fie qu'à la force de mes bras méchants. Si la porte s'ouvre, je prends mes bras déchantres, évidemment. Je me suis fait seul. Allez, chance. Sans aide, sans manuel. Début la chance, on fait sans aide dans ma ruelle. Et pas méchant, mais ne me fie qu'à la force de mes bras méchants. Et si la porte s'ouvre, je prends mes bras méchants. Ceux qui chercheraient à conformer ma vie, c'est mort. Autant confier sa destinée aux mains de Michel Moore. Quand le rap n'a plus de fond, il négocie son corps. Si leurs paroles est d'argent, moi mes écrits sont d'or. Ça fait un bail que le tout-puissant a fixé le sort. Que je grâce mon nom avec style, tout comme le J-Sensor. Trop jalouse de l'ascension de celui qui s'en sort. Donc je protège la famille, là comme Steve Asensio. Il n'est pas né l'être qui va me priver de bon sens. J'ai vu la haine se faire gifler par ma prise de conscience. Ça m'a duré de l'avoir perdu, donc je marque mon temps. Mes prestations n'ont jamais dépendu du montant. Les braves qui crèvent, vos connards qui brassent des sommes astronomiques. Un gros molard dans leur potage gastronomique. Je me suis fait seul entre mes victoires, mes blessures. Entre mes potes qui m'épaulent et tous ceux qui m'ont déçu. C'est mes types depuis que je suis monté dans la machine. Moi j'ai pas besoin de flow, j'étais petit, je suis tombé dans la bassine. Gros, je me suis fait seul sans succomber dans la cabine. Seul, là où certains auraient pu sombrer dans la matrice. Oh, quand l'artillerie te manque, tu fais des sacrifices atypiques. Grands activistes sans artifices. Non, ils disent que je fais de la merde, je m'en bats les couilles leurs statistiquement. Je me suis armé tout seul artistiquement. En osmose avec moi-même, je lâche des flots sans hydrater. Un gosse handicapé avec une grosse grosse sans hydraper. Donne tout, ne vois-tu pas qu'en solo, j'ai appris à. Sur la bonne route, j'dérape, ma voiture part en tonneau. J'ai grandi seul dans mes phrases. Tout ça me donne envie de rendre les armes. Loin d'un environnement dévaste. J'ai le seum à la commande. Demande-moi pas comment seulement. Une fois sous terre, j'finirai seul à la tombe. Je me suis fait seul. Allez, chance. Sans aide, sans manuel. Depuis le début, la chance. On fait sans aide dans ma ruelle. Et pas méchant. Mais ne me fie qu'à la force de mes bras méchants. Et si la porte s'ouvre, je prends mes bras méchants. Évidemment, je me suis fait seul. Allez, chance. Sans aide, sans manuel. La chance d'entrer sans elle dans ma ruelle et par